Seconde Thessaloniciens chapitre 2. Or, mes frères, nous vous prions pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion en lui, de ne vous laisser point subitement ébranler de votre sentiment, ni troubler par esprit, ni par parole, ni par épître, comme si c'était une épître que nous eussions écrite, et comme si le jour de Christ était proche. Que personne donc ne vous séduise en quelque manière que ce soit, car ce jour-là ne viendra point, que la révolte ne soit arrivée auparavant, et que l'homme de péché, le fils de perdition, ne soit révélé, lequel s'oppose et s'élève contre tout ce qui est nommé Dieu, ou qu'on adore, jusqu'à être assis comme Dieu au temple de Dieu, voulant se faire passer pour un Dieu. Ne vous souvient-il pas que quand j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses? Mais maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il soit révélé en son temps. Car déjà le mystère d'iniquité se met en train, seulement celui qui obtient maintenant, obtiendra jusqu'à ce qu'il soit aboli. Et alors le méchant sera révélé, mais le Seigneur le détruira par le souffle de sa bouche, et l'anéantira par l'éclat de son avènement. Et quant à l'avènement du méchant, il est selon l'efficace de Satan, en toutes sortes de puissances, en prodiges et en miracles de mensonges, et en toute séduction d'iniquité dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur enverra une erreur efficace, de sorte qu'ils croiront au mensonge, afin que tous ceux-là soient jugés, qui n'ont point cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'iniquité. Mais, mes frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, de ce que Dieu vous a élu dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit, et par la foi de la vérité, à quoi il vous a appelé par notre évangile, afin que vous possédiez la gloire qui nous a été acquise par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes frères, demeurez fermes, et retenez les enseignements que vous avez appris, soit par notre parole, soit par notre épître. Or, lui-même Jésus-Christ, notre Seigneur, et notre Dieu et Père, qui nous a aimés, et qui nous a donné une consolation éternelle, et une bonne espérance par sa grâce, veuille consoler vos cœurs, et vous affermir en toute bonne parole, et en toute bonne œuvre.